chez le Père Noël pour chercher dans son cœur le ciel. Papa, papa, la papa, la papa, papa, papa, papa, la papa, papa, papa, papa, la papa. Elle ne s'appelle pas Donatien et elle crève pas mes pneus. Pourtant elle et ses yeux bleus me font penser à Tex qui sourit quand je lui parle. Papa, papa, la papa, la papa, papa, la papa, la papa, papa, papa, la papa, la papa. Apolly dans la pony, mon avenir était écrit et tout cet argent tombe du ciel. Apolly dans la pony est déprimée cette nuit, elle va me rejoindre aux Seychelles. Elle ne s'appelle pas Donatien et elle crève pas mes pneus. Pourtant elle et ses yeux bleus me font penser à Tex qui s'en va quand je lui parle.